Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce quatrième épisode de Non Essentiel, vous êtes sur Radio Nos Cultures. Aujourd'hui, pour cette quatrième émission, nous avons deux invités. D'un côté, nous avons Maya Hou. Salut. Salut Mathilde. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, je crois que c'est la première fois que tu participes à une émission de radio. Tout à fait. Ça va, pas trop stressé? Un petit peu, mais ça va aller. De l'autre côté, quelqu'un qui m'a suivi un peu au cours des années à la radio, David Ondars, ça va? Ça va et toi? Ma foi, ça va fort bien. Nous sommes donc ici tranquillement les trois. On va commencer notre émission. Alors moi, j'ai commencé avec une série. Je vous parle d'une série française même. Cool. Ensuite, on va parler, on va discuter un peu entre nous de création. Mmh. De comment la création arrive, etc. Le troisième sujet sera pour Maya et tu vas nous parler de... D'un livre. D'un livre. Exactement. D'accord, quel suspense. Et pour finir, notre quatrième sujet avec toi, David, qui nous présentera... Un musicien, et je n'en dis pas plus. Un musicien, eh bien, on est parti sur le suspense. C'est la quatrième émission de Non Essentiel. Vous êtes sur Radio Nos Cultures. Non Essentiel. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non Essentiel. Du jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. Donc vous êtes sur Non Essentiel, la quatrième émission, et je vais commencer moi à vous présenter une petite œuvre, puisque c'est quand même le concept de l'émission, de présenter des œuvres qui ne sont pas très connues, qui mériteraient de l'être. Et moi j'ai commencé avec Deadland. Alors Deadland, Land comme... comme la région, les Landes. Okay. Donc déjà, petit jeu de mots, déjà sympathique. Ouais. Ouais, ça commence bien. Vous ne connaissez pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, je n'ai jamais entendu. Donc Deadland, c'est une émission de France 4 en format 25 minutes qui est aussi aujourd'hui disponible sur Amazon Prime Video et que j'ai cherché. Il n'y a plus rien sur France 4 d'ailleurs, étrangement. Alors je ne sais pas s'ils ont vendu le. Je ne sais pas comment ça marche tout ça. Hein, je pense qu'Amazon a racheté la série. Et... Ouais, mais c'est peut-être, ouais. Sachant que c'est France 4 qui a produit la série. Je trouve ça bizarre que sur le site de France 4, il n'y ait rien, alors que quand même sur le site de France 4, il y a quand même pas mal de trucs. Donc c'est une série créée par François Usan au scénario, qui a scénarisé Family Business, qui était une série Canal+, ou Netflix peut-être. Netflix, ouais. Netflix, tu as regardé? Ouais, j'ai regardé la première saison qui était plutôt pas mal, sympathique. Avec c'est Darman, Cohen, Sébastien, Jonathan Cohen, voilà. Cohen. Je ne connais pas du tout, moi. Voilà. Plutôt sympa pour une série française. Tu connais pas la série, tu veux dire? Oui, non, je ne connais pas du tout la série. Ben c'est quoi? C'est une boucherie dans ce Ouais, c'est une boucherie. C'est donc Gérard Darman qui a une boucherie et qui, veut, qui arrive un peu à la fin de sa carrière, qui va partir à la retraite. Ouais. Et en fait, son fils décide de vendre de la bœuf dans cette boucherie. D'accord. Donc c'est un peu ça le... D'accord. Donc François Usan qui a scénarisé ça et qui a scénarisé vraiment Lupin, qui a fait beaucoup de bruit, que je n'ai pas regardé, mais apparemment c'est pas fou. C'est pas fou. Alors, on dirait que je suis le seul à avoir regardé des séries. Je me fais chier, voilà. J'ai regardé Lupin les deux premiers épisodes. C'est moyen, mais bon, je mets toujours un peu les séries françaises dans la case séries françaises, pas terrible, tu vois. Donc j'ai du mal après à suivre. Mais là, quand même, c'est une série Netflix. Série Netflix, donc on voit la grosse production Netflix, on voit qu'il y a du budget derrière. Le scénario est pas si mauvais. C'est moyen. Où est-ce que ça pêche, à ton avis? Ben moi, c'est le truc série française, quoi. Dès que c'est des acteurs français, je trouve que c'est soit c'est trop gros, soit c'est tu t'y attends, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Donc François Usan, il commence un peu mal. Du coup, je commence un peu mal pour ma série aussi. Donc ça, François Usan qui a créé la série et qui est au scénario surtout, et François Descraques, peut-être un peu plus. David, je crois que tu t'en souviens plus. Qui a réalisé, scénarisé Le Visiteur du Futur, qui est une des toutes premières web-séries françaises, qui a eu un beau succès et qui était vraiment pas mal. Je ne sais pas si c'est encore sur YouTube, je pense que c'est encore regardable sur YouTube. Pas du tout. Et qui avait aussi co-créé ou qui réalisait en tout cas les sketchs du Golden Show de Davy et Monsieur Poulpe. Il était dans le Golden Moustache en tout cas. Qui a donné après Golden Moustache. Donc ça, c'est pour François Descraques, qui est plutôt sur la scène pour le coup web avec son frère Raphaël Descraques, qui a beaucoup joué. Il y a de les Suricates, tout ça quoi. Mm-hmm. Plutôt dans ce milieu-là. Et donc, ces deux-là ont créé une série pour France 4. J'étais un peu étonné quand j'ai vu ça. C'était en 2016 et j'avais regardé toute la série d'un coup parce que c'est 10 épisodes de 25 minutes, ça se regarde en 3 heures. Donc l'histoire raconte l'histoire d'un camping dans les Landes pendant la fin des vacances, qui est un peu, bon, qui est chaleureux, qui est un peu ringardos quand même. C'est Thomas VDB qui joue le gérant, donc Thomas VDB qui a une bonne tête de ringardos, quoi, qui sait bien jouer le ringard, de toute façon, de base. À la base, ouais. Voilà, un peu lourdeau, karaoké à fond, tout ça, quoi. qu'il fait évidemment très bien. Et donc, il y a une équipe de journalistes qui a fait un reportage dans ce camping. Et tout à coup, tremblement de terre, il y a des objets de 2 tonnes qui tombent du ciel, colonne de flammes. En gros, c'est l'apocalypse. Ah ouais. D'accord. Okay. Voilà. C'est pas le truc... bon, évidemment, quand on se met à regarder la série, on s'y attend un peu, parce que c'est pour ça qu'on y va. Mais eux, ils ne s'y attendent pas vraiment. Donc, on retrouve Thomas VDB en tant que gérant. Julie Farin-Terramon, qui joue une gendarme. David Salle, qui a joué, un barbu, cinquantaine, qui a joué dans pas mal de sketchs. Que ce soit avec des suricats, avec des moustaches. Quand tu me dis barbu, cinquantaine. Ouais, un peu beau gosse, un peu bruit de charisme. Ouais. Qui joue extrêmement bien. Et Baptiste Le Caplain, qui est décidément partout. Ah, ok, il est dans cette série. Et qui, Baptiste Le Caplain, qui joue un peu à contre-emploi. Parce que d'habitude, il joue un peu le loser. Enfin, tout ça, là c'est le prof de gym, prof de sport, un peu beau gosse. Qui charme un peu les filles du camping. Toi, un peu, tu sais, très attaché à la nature, tu sais, les sensations. Donc, c'est assez marrant de le voir comme ça. C'est pas habituel, surtout. Et donc, après cet apocalypse, la série va vers du survival. C'est-à-dire, y a 6 ou 7... enfin, au début, il y a quand même pas mal de rescapés dans le camping qui s'en vont au fur et à mesure. Et donc, ça alterne entre du survival et de l'humour. Ouais. Parce que bon, quand t'as VDB, tout ça, tu vas très vite sur l'humour. Et surtout, c'est un fan footage. Un fan footage, est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est un format fan footage. Non, pas je ne vois pas. C'est, donc, l'idée, c'est que les caméras existent dans la réalité des personnages. C'est-à-dire que là, par exemple, toutes les images proviennent de caméras de surveillance, des caméras des reporters qui sont là, parce que c'est une chaîne de télé qui fait un reportage, des caméras GoPro de la policière, de sa voiture, etc. Donc, ce qui apporte finalement deux énormes avantages. Un, c'est beaucoup moins cher à produire, parce que tu n'as pas une équipe technique monstrueuse derrière, c'est souvent la caméra à l'épaule et tout comme ça, des cams, voire même des téléphones portables. Et surtout, ça ancre tout le réalisme. Enfin, ça fait rentrer quand même beaucoup plus facilement dans ce monde. Donc, c'est quand même pas la meilleure série du monde. Je vais pas vous le cacher. Ouais. Je trouve que le début, le milieu est un peu poussif. La fin, par contre, est vraiment prenante finalement. Parce que ça s'accélère un peu. C'est pour ça que je pense qu'ils auraient dû, au lieu de 10, faire peut-être 7 épisodes et resserrer un peu le format, parce que là, ça part un peu en digression un peu partout. Mais surtout, peut-être aussi, ils auraient peut-être dû prendre un peu plus de temps pour, pas pour autant pour réfléchir, peut-être pour la post-production, etc. Parce qu'ils ont tourné en avril 2016 pour une diffusion prévue en septembre 2016. Okay, donc, ça fait 4 mois pour une série de 10 épisodes de 20 minutes, c'est chaud. Donc, au final, elle a été diffusée en décembre, donc je crois que ça commence à 3 décembre 2016. Mais voilà, bon, ça méritait un peu moins d'épisodes, surtout je pense les 2, 3, 4 peut-être. À virer. Ah oui, alors que c'est quand même une série, une mini-série quand même. Ouais, c'est une mini-série. 10 de 20 minutes. Et tu trouves qu'il fallait encore plus raccourcir le... Ouais, parce que finalement, ça part un peu dans des intrigues secondaires qui sont pas forcément... pas palpitantes, quoi. Ouais. Okay. Et du coup, tu sens qu'ils essayent de rajouter un peu les trucs, les acteurs en font un peu trop des caisses aussi pour pouvoir... pour que ce soit intéressant. Mais à partir d'épisode 5-6, là où tu commences à voir un peu le final de la saison, tu comprends où ça va. Là, c'est bien plus intéressant, c'est mieux construit. Parce que, bon, je ne l'ai pas dit, je ne vais pas trop spoiler, mais ils sont entourés d'une espèce de brume bizarre qu'ils ne peuvent pas passer. Donc, ils sont vraiment bloqués dans ces landes-là, dans un périmètre de quelques kilomètres à peine. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Tu as des phénomènes paranormaux, tout va, tu as des gens un peu chelous. Donc c'est un peu franchement c'est une série sympa, c'est pas fou, mais c'est vraiment regardé, surtout pour la fin, que j'ai beaucoup aimé. Mais surtout, je voulais en parler pour l'audace dont elle fait preuve, déjà des créateurs, parce que bon, créer une série survival en France, c'est pas ce qu'on voit de plus. Exact. En plus, c'est en fan footage, donc c'est vrai que ça paraît un peu grand public, surtout c'était vachement grand public dans les années 2000, parce que il y avait eu le projet Blair Witch. Ouais. 98, ouais. Si je dis pas de bêtises, qui avait popularisé le fan footage. Ça existait avant, mais ils ont popularisé. Après, il y a eu Cloverfield, il y a eu Rec. Il y a eu Rec. Un paquet de... T'as vu tout ça? Oui, enfin, le projet Blair Witch et Rec, oui. Ouais, alors, ouais. C'est ce côté fan footage, là. Oui, ça met directement dans l'ambiance. Et puis ça marche bien pour l'horreur, quoi. Exactement. Tu fais ça pour une comédie, ça marche peut-être. Oui, non, ça marche bien. Quoique, ça peut-être essayer. Peut-être drôle. Je suis pas sûr. Après, voilà, tout l'avantage du fan footage aussi, c'est de pouvoir... pouvoir utiliser des fois la caméra, le portable qui s'éteint d'un coup. Donc voilà, il y a toutes ces contraintes aussi, qui sont des contraintes finalement pour les personnages. La contrainte pour le réalisateur, c'est qu'il faut justifier à chaque fois qu'il y a une caméra qui tourne. Mm. En plein apocalypse, faire tourner une caméra tout le temps, c'est peut-être un peu chelou, mais bon, ils arrivent à justifier ça quand même pas trop mal. Enfin, ça reste envisageable qu'une équipe de journalistes filme un événement pareil, quoi. Donc voilà, et de plus, François Descraques, donc, qui a réalisé surtout la série, qui a un peu scénarisé aussi, il a été ambitieux et je trouve ça hyper cool parce qu'il a réalisé une mini web série qui se passe en parallèle, donc qui se passe au même moment, au même endroit, mais dans une boîte de nuit qui elle est bloquée, enfin où les gens sont bloqués dedans. Donc c'est 5 épisodes de 5-10 minutes, je crois. Okay. Donc t'as ça, en plus ils ont créé une page Facebook réaliste avec des guillemets de l'escapade et du camping, avec donc dedans t'as jusqu'à la date du cataclysme, donc il y a plein de vidéos du camping de Michel, tout ça, et après à partir de là t'as des vidéos un peu cheloues qui ont été créées juste pour la page Facebook, avec des vidéos un peu cheloues, avec des codes à décrypter, etc. Donc c'est quand même allé hyper loin pour un peu enrichir le lore, accentuer un peu le mysticisme du truc, parce qu'on sait vraiment pas trop ce qui se passe. Et je trouve ça hyper cool, je trouve ça... vraiment, c'est une démarche que je trouve à saluer, surtout en France, où c'est un peu frileux pour ce genre de truc. Ouais. Et du coup, salue aussi la prise de risque de France 4, parce que bon, il n'y a pas un budget monumental, je crois que c'est 200 000 euros par épisode. C'est pas dégueu, mais on est quand même loin des grosses séries, quoi. Donc c'est pas un gros risque pour France 4, mais ils prennent quand même le risque. C'est quand même une rare chaîne à écarter qui a proposé des trucs comme ça. Donc voilà, pour Deadline, je vais vous mettre un petit extrait d'un making of que j'ai un peu remonté parce avec que plaisir. Le making of c'est très visuel, que j'ai trouvé sur YouTube. Il y a quelques making of, quelques reportages, etc. Voilà, un petit extrait, c'est le making of donc de Deadline. Dès que je me baisse, Yacine, si tu as pu annoncer, ça va faire des étincelles qui ne vont pas être à l'image. Je vais te rajouter, donc toi, il faut que tu fasses de... Ciao. Oula, il faut lancer pas mal de fumée. Là, François, lui, vraiment, est un des premiers à être arrivé en France, alors sur Internet à la base, mais avec des web-séries. Et j'avais beaucoup aimé Le Visiteur du Futur, que j'avais trouvé très inventif. L'idée de séries fantastiques en France, comiques... faut avoir des gens qui ont de la bouteille et tout ça en écriture pour aller au bout du projet, quoi. Là, quand j'ai vu qu'il faisait Deadland, j'ai manifesté mon intérêt en disant, écoute, si tu as besoin de quelqu'un pour ouvrir une porte, je veux bien te la porte. C'est le mélange tant attendu de Lost, du projet Blair Witch et des Bronzés, quoi. François avait commencé à travailler sur le projet et puis après, moi, on m'a contacté pour, à la base, réaliser. J'ai demandé si c'était possible, en plus de réaliser, de revoir le concept, de voir ce que je pouvais apporter. Les deux sont vraiment là, toujours sur le plateau avec nous. C'est Descraques qui réalise, François Usan qui est à la DA, qui nous donne des consignes et tout. Le binôme vient régler les petites choses qu'il faut. J'ai jamais aimé être derrière un combo, être loin, de parler fort et tout. J'aime bien être... comment dire, de façon organique, près des comédiens. François est au combo, il est vraiment mon troisième œil qui est attentif sur ce que je peux pas forcément voir. Ok, et action. La comédie vient, je pense, beaucoup du réalisme qui est amené par le côté reportage de la caméra qui nous suit. C'est vraiment une caméra qui bouge dans tous les sens. Attendez, hey, stop, me laissez pas là, On doit faire des prises assez longues, qui sont des fois d'une minute trente, deux minutes, ce qui est énorme. Et on apprend vite, parce qu'on se rend compte que même si on a un peu bafouillé sur un mot, souvent on va pas faire « bon ok, on arrête, on reprend », alors on fait « bah désolé mec, hein, mais c'était au milieu des deux minutes qu'elle est bien, donc on va continuer ». Donc ça demande, pour les comédiens, une gymnastique supplémentaire. Là, on va aller jusqu'à 8 prises, 9 prises, mais quand c'est fait, c'est fait. Donc c'est une spontanéité très travaillée. Et marier cette urgence-là avec celle du fantastique et la comédie qui est vraiment ficelée comme il faut par les scénaristes, ça donne un truc génial à raconter, quoi. Je suis fan vraiment du travail de Thomas VDB, Yacine Bellous, Soren Prévost et David Salles depuis longtemps. Je suis trop fier d'avoir pu les réunir là-dedans. C'est aussi là qu'on voit les auteurs réalisateurs ont de la bouteille. C'est que moi j'arrive en comédien et je suis entouré de comédiens qui jouent hyper bien. Et c'est un bonheur de jouer, de s'amuser avec eux, quoi. Là, il y a beaucoup de scènes collégiales, de panique, où il va falloir réagir tous en même temps. Et dès la première scène où on les a vus ensemble, on s'est dit ça va fonctionner. Ouais. Parce qu'ils s'écoutaient, ils se répondaient. Et il y a une espèce de magie qui s'est passée entre tous ces personnages qui marche plutôt bien et dont on est ravi, quoi. Donc voilà le making-of de Deadland de François Descrac et François Usan. Et voilà, des questions ? Oui, moi j'ai une question. Du coup. Vous avez une question de presse ? Oui, bonjour, j'ai une question. Quel est le genre de la série du coup ? Parce que tu nous parles d'humour, de. Au début, ils essaient de faire un petit mélange. D'accord. C'est peut-être un des défauts de la série, parce que c'est difficile de faire à la fois de l'horreur et de l'humour. Certaines fois ça marche. Ouais. Après c'est pas tellement de l'humour, c'est pas tellement de l'horreur, c'est plus du espèce de suspense, parce qu'il y a un côté très mystique à ce cataclysme, on sait pas ce qui se passe, mais il y a une espèce d'éléments surnaturels et rien. Donc ça ressemble plus par exemple un truc comme les rivières pourpres, par exemple Lost, c'est pas vraiment pour faire peur, quoi, mais d'accord. C'est pour on se demande ce qui se passe, quoi. Okay. Et derrière il y a un peu d'humour, c'est pas trop mal géré, c'est pas dingue non plus, ouais. mais finalement plus ça va et moins l'humour prend la place, quoi. Plus l'intrigue avance et il s'autorise finalement un peu de laisser l'humour pour rentrer dans le suspense, dans le vif du sujet. Et du coup, c'est justifié ces caméras, là, comme tu disais Ben ouais, pas trop mal. Déjà, il y a deux caméras, j'en lis sont deux, donc il y a ces deux caméras-là qui filment du coup très bien en HD, en ce que tu veux. Mm-hmm. Il y en a un qui sort, qui parfois essaie d'appeler un autre personnage qui est en dehors du camping avec son téléphone portable, donc il fait en visio, donc on le voit lui faire ça. La policière a des caméras dans sa voiture, il y a les caméras de sécurité du camping. Voilà, donc c'est justifié, ça va. Ils ne les justifient pas eux-mêmes en disant il faut absolument confiner, etc. Mais tu comprends que bon, tu comprends d'où viennent ces images et qu'en fait, il n'y a pas vraiment un tourloupe, quoi. Ok, voilà. D'accord. Rien d'autre ? On peut passer à la suite. Allez, on est sur Radio No Culture, on est dans Non Essentiel, et bien on passe à la suite. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. On va passer aux choses très concrètes. Du coup, une petite discussion à chaque fois, comme on fait ici dans Non Essentiel. On va parler un peu de création aujourd'hui, parce que David, par exemple, est musicien et acteur. Comédien et auteur de pièces de théâtre. Je crois qu'on dit écrivain de pièces de théâtre. Écrivain, mais bon, ça fait un peu, ça fait très lourd dans le mot écrivain, quoi. Ça me fait. Ouais. Mais ouais, j'écris des pièces de théâtre aussi. Voilà. Et je mets en scène aussi. Et Maya, tu es plus physique. Tu construis des petites maisons. Tu fais des motifs, des vêtements aussi. Exactement. De temps en temps. Je brode aussi beaucoup. Tu brodes aussi. Exactement. J'écris aussi, mais. T'écris, c'est vrai. Voilà. Oui. Ça, je suis pas trop au courant de ça. C'est parce que j'écris pour moi, plus que pour les autres, mais j'écris quand même. On va parler un peu de création et on va se poser la question d'abord de savoir pourquoi est-ce qu'on crée. Est-ce que c'est un besoin ? Est-ce que c'est une envie ? C'est pour montrer aux autres. David, par exemple, c'est pour montrer aux autres, c'est pour toi d'abord. Donc Maya avait un peu de répondre à ces questions pour elle, parce qu'elle écrit, oui, elle écrit pour exactement. Elle-même. Toi, David, quand t'écris, tu as écrit un album, par exemple, et tu as fait plusieurs pièces de théâtre qui ont forcément été données, l'album a été vendu. Ouais, ouais. Au moment de la création, tu penses à l'auditeur ou au spectateur ? Je pense que déjà, c'est une démarche assez personnelle, tu vois. Ouais. Donc, tu le fais d'abord pour toi. Et après, forcément, tu penses aux autres parce que c'est quelque chose que tu aimerais partager avec les autres. C'est, même s'il y a une dimension très personnelle de « c'est mon projet, je le fais pour moi parce que ça me fait kiffer », tu vois. Mais il y a quand même une dimension où quand même, j'aimerais bien le montrer aux autres, j'aimerais bien avoir des réactions, avoir des, ouais, des réactions mais à ce que je fais, quoi. Et est-ce que cette envie de réaction va influer sur ta création? Est-ce que tu vas dire, ah, j'aimerais bien qu'il réagisse comme ça, alors je vais modifier ma création pour espérer avoir tel retour? Une espèce de manipulation finalement d'eux, où tu t'en fous complètement, je fais mon truc, ils aiment pas. Ce qui va être différent, c'est que dans la musique, c'était plutôt ça, c'est je fais mon projet à moi, avec la musique que j'aime, etc. Mais plus dans le théâtre, on va dire que je fais plus quand même avec la réaction des gens, en gros, je me force à faire des blagues parce que j'ai envie que le public rigole à ce moment-là, tu vois. Donc là, forcément, je m'adapte au public, j'ai envie que ça se passe bien, qu'il rigole à tel moment. Voilà, c'est une question d'un peu de rythme, tu vois. Mais dans la musique, ça va être vraiment un truc assez personnel. Et je me dis pas, il faut que ça plaise au public, ou si ça me plaît à moi déjà. Mais dans le théâtre, c'est quand même plus lié à ce que va penser le public, parce que c'est de la réaction instantanée, quoi. Ouais. Mais sachant surtout que au théâtre, t'écris aussi pour d'autres comédiens. Ça entre en jeu aussi pour le coup. Ouais, aussi, du coup, c'est du coup beaucoup moins une démarche personnelle que dans la musique, où forcément j'ai créé pour moi, j'ai écrit mes paroles pour moi, etc. Mais ouais, tu penses à l'acteur, tu penses au public, c'est plus, on va dire, une démarche collective, quoi. Même si t'es tout seul derrière ton ordinateur à écrire ton texte, quoi. Oui. Alors que toi, Maya, pour le coup, moi, tu m'as montré quelques trucs pendant le confinement. On s'emmerdait tous, donc on a tous fait plein de trucs. Ouais. Et tu m'as envoyé plein de trucs différents. Mais à moi, personne... Tu l'as pas exposé au non, pas public du tout. Comme ça. Non, mais en général, tout ce que je crée, c'est pour moi. Tu n'as pas envie de quelqu'un de voir? Non, pas du tout. Comment ça se fait, ça? Je sais pas, parce que je pense que ça me fait du bien à moi et j'ai pas forcément envie de... en tout cas, pour l'écriture, quand j'écris, c'est vraiment une démarche très personnelle. Je peux te demander ce que tu écris, quel genre de choses tu écris? J'écris plein de choses. Donc j'écris beaucoup ce que je ressens sur mon, sur ma vie et sur... Mais après, j'écris des histoires aussi, mais j'ai pas forcément envie de le partager, non. C'est vraiment pour moi. Je trouve que ça fait beaucoup de bien d'écrire. Ouais. Mais l'écriture, c'est quand même quelque chose de très personnel, parce que moi aussi, je rejoins à l'idée de Maya, parce que j'ai écrit quelques nouvelles, tu vois, des petits récits, tu vois, et j'ai pas osé le partager presque à personne, tu vois, parce que je trouve que c'est très personnel, du coup. Mais il y a une différence entre ne pas oser le partager et ne pas avoir envie de le partager. Ouais, moi, c'est plus j'ai pas envie de le partager. Voilà. David, c'est pour moi. Il y a une petite barrière aussi. Tu as utilisé le mot j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que j'ai osé sur d'autres projets, tu vois, donc la musique, etc. Ouais. J'ai osé et j'avais envie, tu vois, mais là, c'était vraiment personnel, tu vois. Est-ce que pour le coup, le fait de partager son art, etc., est-ce qu'il n'y a pas un petit côté narcissique? C'est une question que je pose souvent. Quand on partage ce qu'on crée, pourquoi on le fait? Est-ce que c'est... On a quand même envie d'une certaine reconnaissance derrière. Je pense qu'il y a une certaine envie de reconnaissance, et je pense que c'est plus fun que si tout le monde partageait un peu son... Enfin, si tout le monde... Vu que des artistes créent des choses, c'est bien que des autres soient le spectateur, tu vois, de la création. Parce que sinon, s'il n'y avait que des gens qui écrivaient que pour eux-mêmes, il n'y aurait pas de cet échange. Parce que la culture aussi, c'est un échange, tu vois, c'est entre la création et le spectateur, tu vois. Mais je vois pas le choix. Enfin, ça dépend du, je sais pas, narcissique. Je penserais pas que. Je sais pas. C'est des questions là. Attends, on rentre dans le vicieux. Attends, on peut perdre des mots. Mais je sais pas, il y a quand même ce côté. Maya le fait pour elle-même. Elle ne ressent pas le besoin de le diffuser, que d'autres personnes le lisent. Alors pourquoi est-ce que les autres ont besoin de ça, mais alors que on envoie des albums à l'autre bout du monde, on n'a aucune idée de la réaction des gens, mais on est content qu'ils l'aient acheté. En se disant, s'ils l'ont acheté, c'est qu'ils ont aimé. S'ils ont aimé, ça nous rapporte quelque chose. Donc, il y a quand même ce truc d'auto-satisfaction, non ? Ouais. Après, je pense qu'on peut l'étendre aussi à style les réseaux sociaux, par exemple, ou quand tu vas faire une story sur Instagram, ou quand tu vas faire un post sur Facebook. Est-ce que tu le fais pour toi, parce que ça te fait plaisir ? Est-ce que tu veux montrer aux autres que tu es en train de faire ça, tu es là, dans cet endroit-là ? C'est très complexe, je trouve, l'acte de... Mais justement, cet acte, quoi, l'action de montrer. De montrer. Partager, Est-ce que tu le fais pour toi, pour les autres? Est-ce que c'est un vide que tu combles? Enfin, et je pense que c'est différent suivant l'acte, justement, que tu proposes. Ouais, si c'est de l'écriture, si c'est une story sur Insta, si c'est un post, si c'est... Voilà. Mais après, moi, j'écris des choses tellement personnelles que j'ai l'impression que ça n'intéresserait pas les autres aussi. Enfin, je me vois très mal te faire lire des choses très personnelles. Enfin, j'ai l'impression que ça ne va pas intéresser non plus. Après, moi, avec mon projet Goliath, là, j'écrivais mes textes. Et j'avais l'impression que, tu sais, je me disais, pareil, ça va toucher quelqu'un, pareil, ça va, tu vois, même si c'est propre à moi, tu vois, mon histoire, ben, comme j'ai eu, quand j'ai écouté des chansons où ça parlait, aux musiciens, à l'interprète, tu dis, putain, mais en fait, ça me parle à moi. Donc, moi, je pense que cet échange est déjà nécessaire. Après, la source de l'échange, ça dépend de... Ouais. Du coup, je sais pas, ça répond pas du tout à ta question. Non, après, je pense pas qu'il y ait de réponse. Non, il y a pas de réponse universelle non plus. Hein. Mais du coup, là, toi, finalement, ça te change pas grand-chose qu'on soit complètement confiné ou en couvre-feu ou je ne sais quoi. David, toi qui montres un peu tes créations au monde, comment tu vis un peu ce confinement et comment tu vois un peu l'avenir artistique à court terme, on va dire, dans les mois à venir. Ouais, à court terme, il faut s'adapter à ce que les gens soient chez eux et qui captent l'info de chez eux, quoi. Comment tu adaptes une pièce de théâtre pour les gens chez eux ? Ah, une pièce de théâtre, c'est très compliqué, mais tu peux adapter ta création, t'en as envie de créer des petits sketchs ou des petits trucs sur les réseaux sociaux, sans te dire que tu vas écrire une pièce de théâtre en entier, mais après, tu peux justement profiter de cet instant pour écrire, tu vois, poser, écrire, et puis te mettre ça un peu de côté. Mais si tu as besoin, si tu es dans l'instantanéité, si tu as envie qu'il y ait une réponse, tu vois, tu utilises les réseaux sociaux. Et du coup, tu crées des formats autres que des pièces de théâtre, mais pour que justement tu aies cette réponse, cette continuité de création, quoi. Mais après, le problème de ça, c'est que ça demande aussi des moyens derrière. Si on est tout seul chez soi, je veux dire, toi, par exemple, si tu veux faire des sketchs, il te faut une caméra, de quoi prendre le son, de quoi monter ton truc. Maya, c'est pareil, si tu veux faire des fringues, il te faut des fringues. Oui, bien sûr. Il te faut des matériaux premiers. Donc, finalement, c'est quand même assez dommageable qu'on soit obligé de faire ça depuis chez nous avec nos propres moyens, parce que ça restreint un peu notre pouvoir d'action. Quelque part. Ça restreint, ouais. Après, c'est de l'adaptation aussi. Je pense que si tu veux, tu peux. Enfin, c'est une phrase là. Voilà. Merci, c'était Merci David. David. Non, mais moi, je trouve que justement que, enfin, en tout cas pour moi, ce confinement, ça m'a permis de créer beaucoup plus. Mm-hmm. Parce que c'est pas des choses que je. Enfin, si c'est des choses que je fais, par exemple, écrire, je le fais beaucoup. Mais par exemple, broder ou c'est pas des choses que je fais parce que j'ai pas le temps en général quand je travaille après tu dis créer des fringues ça nécessite des moyens évidemment mais du coup moi j'utilise plein de choses que j'ai déjà et j'essaie d'en faire autre chose et je trouve que ça m'a permis de créer beaucoup plus qu'en temps normal. On va s'arrêter là pour cette petite discussion. Okay. Maya, on peut, tu gardes tout pour toi. On ne peut rien voir sur les réseaux sociaux de ce que tu fais ou sur Internet quelque part. Non, je suis désolée. Non. Ça ne sera jamais le cas. Peut-être, peut-être, mais pour l'instant non. Tu n'as pas un projet. Non, je n'ai pas de projet artistique pour le moment. David, ton côté? Assez plat de mon côté aussi. musique. Non, pas de projets musicaux pour l'instant, mais pièces de théâtre. On peut écouter ton album. Ah, on peut écouter mon album, je crois, sur Bandcamp. Il est un peu difficile à trouver ton Bandcamp. Goliath, le groupe, c'est pas ce qu'il manque. Mais il faut taper Goliath One Man Band. Je crois que ça marchait comme ça. Sinon, achetez mon CD. Qui achète des CD Il me reste encore. Il me reste un max. Je les brade, je les donne. Je t'en prendrai un pour la voiture. C'est gentil. Voilà, la solidarité. Voilà. Pendant ces temps difficiles, ça commence comme Merci ça. Merci, non essentiel. Voilà. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale en écoutant Selenit, un artiste bayonnais à la base et qui a peau maintenant et que j'espère dans quelques semaine, on va dire, moi peut-être, on va voir ici dans Non Essentiel, pour lui faire une petite interview, c'est Slice of Silence de Selenit. Allez! I'm a heavy and shock galore. Never thinking more about the curse I loved these before. Still clapping my hands in vain, you know, just to catch another blow. Homes, houses, bricks, or sands are clearly not on my land for more. So I walk through the earth, begging for a slice of silence, a bluesy kind of peace. Skimming slow my cheeks, with a link I sense above, unlocking, unlocking whole love. Such a long road to Lords, such a long time to grow, to rise, to shine, to show I am fine. So I walk through the earth, begging for a slice of silence, a bluesy kind of peace. Skimming slow my cheeks. You clapping my hands in vain, you know, just to catch another blow. Still clapping my hands in vain, you know, just to catch another blow. Still clapping my hands in vain, you know, just to catch another blow. Still clapping my hands in vain, you know, just to catch another blow. So I walk through the earth, begging for a quiet place to live in, with all the scars I have, just screaming out so loud. So I walk through the earth, begging for a quiet place to live in, a quiet place to live in. Slice of Silence, qui est une chanson donc de Selenite sur son album dont je me souviens plus le nom de l'album. C'est un EP, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier qu'il a sorti, et il est en train de travailler sur un nouvel, alors je sais pas si c'est un EP ou un album. Il sort, je pense c'est un EP parce qu'il sort pas mal, il tape surtout sur des EP de 5-6 chansons. Donc il est en train de préparer ça tranquillement et il devrait nous sortir ça courant l'année. Voilà, David, tu connais, je crois. Selenite, ouais, je connais. Ouais. J'ai eu la chance de l'avoir vu en live grâce à toi, Mathilde. Selenite, oui. Selenite, c'était où? On l'avait vu à soirée Bob's Beer. On l'avait vu dans un bar sur la Terre. Et on l'avait vu aussi au Magneto, je crois. On l'avait vu au Magneto, tout seul, lui. Je me souviens pas de ça. Moi, il me semble pas l'avoir vu. Je me souviens l'avoir vu avec toi, avec son groupe Coldust de l'époque. Exact. Ouf, là, c'était grosse claque. Très, très, très bien. Aller chercher Coldust. Ouais. C'était une belle claque. Ouais, allez-y. Et bon, voilà. C'était Selenite. Faites un petit tour aussi. C'est le marcheur Selenite de son nom complet. C'est vraiment vachement bien. J'adore ce mec. Non essentiel. Nous sommes donc dans Non Essentiel, on passe au troisième sujet avec Mayaou. Oui. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Et c'est parti, alors de quoi tu veux nous parler, Maya? Alors je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Chant de Dolorès. Mm-hmm. Et pourquoi ce livre? Parce que c'est le premier livre que j'ai lu. Enfin, bon, hors oui. Livre... hors livre pour enfants. Oui, voilà, hors voilà, livre oui. D'enfants. Bah, vrai, le premier vrai roman que j'ai lu... quand j'avais 10-11 ans, je pense. J'ai trouvé ça dans la bibliothèque. Et donc, quand tu nous as dit que ça s'appelait Le Chant de Dolorès, de Wally Lamb. D'accord. C'est un auteur américain qui est né en 1950. D'accord. Voilà. Okay. Le Chant de Dolorès, c'est une personne, d'accord, c'est pas, exactement. C'est pas la douleur en espagnol. Non, c'est le nom de l'héroïne. Donc, de quoi ça parle? Alors, ça parle de la vie de Dolorès, du coup. Nabila. Exact. qui nous raconte son premier souvenir d'enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est toute sa vie. Et sa vie se déroule dans les années 60-70 aux États-Unis. Et elle remonte donc le fil de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Elle n'a pas eu une vie très facile, Dolores. Ouais. Elle a des parents assez dysfonctionnels. Bon, voilà, c'est un peu compliqué, qui divorcent quand elle est très jeune. Et ensuite, son adolescence, elle se fait violer quand elle a 13-14 ans. Voilà. D'accord. Donc une vie très compliquée. Une histoire d'ambiance. Voilà. Et t'as lu ça à 11 ans ? Voilà, j'ai lu ça à 11 ans. Je pense que ce n'est pas du tout adapté pour un public de 10-11 ans, mais j'ai trouvé ça chez moi. Voilà, super. Et donc, du coup, ça va engendrer plein de problèmes, un comportement autodestructeur, ouais. La boulimie, l'obésité, enfin voilà. Et du coup, en fait, ça, quand je vous le raconte, ça fait vraiment mélodrame, pathos. Ouais. Et pas du tout, c'est un livre très lumineux, c'est très bien écrit. Comment ça racontait ? À la première personne. On est vraiment dans la peau de Dolores. C'est elle qui raconte sa vie, voilà. Et en fait, ce qui est incroyable avec ce livre, c'est que ça a été écrit par un homme. En fait, j'ai découvert très tard que Wally Lamb était un homme. Et c'est incroyable parce que je ne comprends pas comment il a pu se mettre dans la peau d'une jeune fille à ce point-là. Parce que du coup, on y croit vraiment, quoi. On y croit vraiment. D'accord. On y croit vraiment et il décrit plein de choses que toutes les femmes vivent. D'accord. Et c'est fou que ce soit écrit par un homme. Donc, il est né dans les années 50 ? Lui, il est né dans les années 50. Le livre est sorti en 1999, il me semble. Il avait entre 40 et 50 ans. 40 ans, ouais. L'âge qu'a Dolores quand elle raconte son histoire. D'accord. En fait. Okay. Voilà. Est-ce que c'est possible qu'il y ait mis un peu d'autobiographie ? C'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, sachant que. Je ne pense pas. C'est vraiment le parcours d'une femme, quoi. C'est le parcours d'une femme. Non. Et puis une femme qui souffre d'obésité, et en fait, lui. Enfin, je me suis un peu renseignée sur lui, du coup, et il n'a jamais eu ce genre de problème. C'est bien une fiction. On a vraiment l'impression que c'est une autobiographie. Et c'est super bien écrit, et je vous le recommande fortement. Tu nous as dit que ça s'appelait. Le chant de Dolores. Le chant de Dolores. On peut être écouter un extrait. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous recontextualiser l'extrait en question ? Alors, l'extrait en question, c'est une tentative de suicide. Mais en fait, ce qui est super. C'est vraiment lumineux comme texte. Non, mais en fait, ce qui se passe avec Dolores, c'est qu'elle a vraiment. Il lui arrive des choses terribles, terribles. Ouais. Et elle remonte toujours la pente. Et je trouve que cet extrait, du coup, fait un peu écho au livre. Ouais. Non mais c'est vrai, elle arrive toujours à sortir de situations vraiment catastrophiques et voilà, avec beaucoup. Mais parce que toi quand tu finis de lire quoi, tu es dépité, tu es. Non, pas du tout, mais justement non, pas du tout. Après il y a vraiment des passages très noirs, mais oui, il y a beaucoup d'espoir. Ça te donne de la force quoi, ça te donne du courage, tu te dis tout à fait. Avec ce qu'elle a vécu, elle est Oui, du coup, je pense que quand je l'ai lu adolescente et que je l'ai beaucoup aimé, enfin adolescente, je l'ai lu beaucoup. Je pense que j'ai dû le lire 5-6 fois. Mais je me disais souvent, bon, ça va. Moi, ce qui m'arrive, c'est pas si grave. C'est Dolores. Non, et elle a toujours cette tendance à remonter la pente. Donc cet extrait, est au fond du seau. Oui. Elle fait une tentative de suicide. Exactement. On écoute ça alors. La mer n'était pas plus froide que le vent, mais quand mes pieds sont entrés en contact avec l'eau, j'ai senti mes bouts de sein se durcir. J'avais la chair de poule. Mes bourrelets ont viré au bleu. J'ai avancé les genoux dans l'eau. D'abord, ça m'a fait mal, puis je n'ai plus rien senti qu'un engourdissement. J'ai continué d'avancer jusqu'à la taille. Les pointes de mes cheveux trempaient dans l'eau. Je me suis immergée totalement et j'ai commencé à nager. Depuis la plage, elle avait l'air noire. Maintenant que je nageais à côté d'elle, je voyais que sa peau était tachetée de gris, plus ou moins sombre. J'ai étendu la main et je l'ai touchée. Elle était ferme et vigoureuse, sous mes doigts violets et tremblants. Sous mes lèvres, c'était un baiser à la fois doux et rugueux et salé. J'ai nagé sous l'eau jusqu'à sa tête et j'ai refait surface dans un tourbillon d'écume. Je ne sentais plus mon poids. Son énorme tête et son museau étaient couverts de bosses, de vilaines bosses inégales où saillaient des touffes de poils de rue au toucher. Elle avait la gueule ouverte, comme si elle était morte d'avoir bu trop d'eau en essayant de regagner la haute mer. Sa mâchoire, à demi hors de l'eau, était recouverte de poils épais comme les soies d'une brosse. Ses yeux étaient immergés. J'ai pris ma respiration et j'ai plongé en gardant les yeux ouverts. Son œil me regardait fixement sans me voir. L'iris était laiteux, vide d'expression, troublé par l'eau de mer. Un œil de cataracte, un œil plein de mort. J'ai touché la peau qui se trouvait juste dessous, puis l'œil lui-même. C'est ici que j'aurais voulu mourir, à cet endroit précis. Je me suis battue contre moi-même, ma tête poussant vers le fond, mes bras se débattant pour rester sous l'eau. J'ai bu de l'eau de mer à grands traits tout en regardant l'œil de la mort pendant que je me livrais bataille à moi-même. Puis je me suis débattue furieusement en sens inverse. Je suis remontée violemment à la surface. J'ai toussé et craché, j'ai aspiré avec rage l'air qui me brûlait les poumons. J'ai contourné la baleine, j'ai contourné sa nageoire cassée et arrachée. Mes pieds ont touché le fond. J'ai regagné le rivage en trébuchant. J'ai été saisie à nouveau par l'air glacial qui soufflait au dehors. Mes habits étaient posés en tas au bord de l'eau. Je me suis rhabillée péniblement. J'avais touché le fond sans vraiment le toucher. Je ne me souviens plus combien de temps je suis restée assise là, à trembler. Donc le chant de Dolores de l'auteur, tu nous rappelles Wally Lamb. Wally Lamb. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas hyper joyeux comme extrait non plus. Non, pas du tout. donc elle voit une baleine en train de mourir. Exactement, elle a une fascination pour les baleines. D'accord. Voilà. Et donc elle se met peut-être à sa place, elle se pose la question. Ouais. D'accord, c'est pas... Ouais, c'est vrai que c'est ça. Vu comme ça, c'est pas hyper joyeux quand même. Non, c'est pas très joyeux, mais en fait, ce que j'ai redécouvert quand je l'ai lu il y a peut-être un ou deux ans, c'est que, et que j'avais pas pris conscience quand je l'ai lu quand j'étais jeune, c'est que c'est un livre très féministe. Ouais. Parce qu'il questionne beaucoup le rôle de la femme, donc déjà à cette époque-là. Et il est sorti en 99, donc c'était pas des thèmes qu'on abordait trop. Et il questionne beaucoup le rôle de la femme. C'est une jeune fille qui se pose plein de questions sur sa sexualité, sur la psychologie féminine en général. Et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu, en fait. Je n'avais pas pris conscience quand je l'ai lu, quand j'étais jeune. Est-ce que, du coup, ça t'a influencé quand même inconsciemment ? Peut-être, parce que vraiment, c'est un livre, ça a été mon livre mon adolescence. Au final, tu le conseilles quand même, ce livre. Le conseille fortement, oui. Je ne l'ai peut-être pas très bien défendu, parce que c'est un livre assez sombre, mais c'est un très beau livre, c'est très bien écrit. Par contre, peut-être pas 11 ans, quoi. Non, certainement pas 11 ans. Non, faites attention à ce que vos enfants lisent. C'est ça, parce que est-ce qu'à 11 ans tu t'es dit putain, pareil, ça sera ça ma vie ou pareil? Non, pas du tout. Non. Tu t'es pas identifié à le. Pas du tout. Voilà. Je me suis identifiée, oui, parce qu'elle vit des choses qu'on, je pense, on a toutes vécues, mais pas à ce niveau-là, non. Non, ouais, je l'ai vraiment pris comme une fiction. Donc, je tu t'es pas dit non plus à 30 ans, ça va, j'ai pas eu cette vie ou en le relisant. Non. Heureusement. Non, parce que des fois, moi quand j'ai des livres qui ont des personnages qui ont mon âge, des fois, tu t'identifies au personnage, tu te dis ah ouais, putain, quelle vie il a eu, pareil, j'aurais cette vie ou pareil, j'aimerais avoir. Non, bon, là, je peux clairement pas aimer avoir sa vie, mais. Tu nous fais un petit résumé avant de passer à la suite ? Résumé du livre, bien sûr. Vite fait, vraiment juste en mais passant. Vite fait, donc juste, c'est la vie d'une jeune fille, de son enfance à sa vie adulte. Donc le chant de Dolores. Le chant de Dolores de Wally Lamb. Pardon. Non, je mets tout le temps le nom de l'auteur. Et le chant, c'est C-H-A-M-P. C'est non, c'est le chant, comme le chant des baleines. Ah, ok. Voilà. Ok, j'ai bien suivi la chronique, non? Vraiment, tu m'as écouté, merci. Ça fait plaisir. Donc on est sur France Inter, David, c'est ça, c'est ça. On va passer à la chronique de Guillaume Meurice. De Guillaume Meurice, c'est ça. Allez. Non, mais du coup, on va passer au quatrième sujet avec toi, David. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. Est-ce que vous avez reconnu que c'est... pas Renaud, évidemment, hein, mais... qui parle, la femme qui parle. Ah, j'ai pas fait attention. Non, moi j'ai pas non j'ai plus. Pas est-ce que tu peux le remettre? Oui, vas-y. Attention. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. C'est pas Nadine Morano. C'est Nadine Morano. Et j'ai gagné un point. Ouais, on lui parlait de Carlos Ghosn et de Renaud Nissan et on répondait ça. Bon. En ces temps de Covid et avec Renaud derrière, je trouve ça très drôle. On va passer à toi, David, qui va nous parler de musique. Donc. Exactement, je vais plus vous parler d'un artiste que ça fait longtemps quand même que je suis. Que ça fait longtemps. Voilà, je parle à la Renault. donc ça fait longtemps que je suis cet artiste donc qui a sorti un projet solo. Alors cet artiste, attention, le monde tambour, tout le monde demande qui c'est. C'est Rudiger, voilà. C'est son nom d'artiste. Voilà, il s'appelle Félix Buff. Rudiger, pourquoi Rudiger? C'est son deuxième prénom, parce qu'il a une mère souloutine. D'accord, quoi, donc, Rudiger, c'est souloutin? Non, pas du tout. J'ai pas fini ma phrase, Martine. Excuse-moi. Attends pardon, un peu. Pardon. Non, c'est pas non, ça faisait un peu. Il a une mère souloutine et un père allemand. Oui, voilà. Plutôt, oui. Et donc, il s'appelle Félix Rudiger Buff, donc son nom Buff, et donc il a choisi son deuxième prénom pour son nom d'artiste. Donc ce jeune homme, qui c'est ? Donc c'est le, on le connaît plus à la batterie dans le groupe Ulysse de Romande. Donc il a commencé notamment son premier groupe qui s'appelle Monarch, voilà, je savais pas, qui est un groupe de doom. Apparemment, de doom un peu. Je sais qu'il y a, enfin, Monarch, il y a un paquet de groupes de métal, je pense qu'il s'appelle Monarch. Je, enfin, ça me dit vaguement quelque chose, mais je pense pas que ce soit le même Monarch. Il me semble que le Monarch. Je pense, je crois que c'est un gros groupe britannique de heavy, comme ça, c'est pas le même. Mais ça s'appelait comme ça, donc son premier groupe. Et après, il a enchaîné avec Willis Romand, donc toujours à la batterie. Donc, il y a un groupe, je dirais, punk rock, rock à tendance punk. Ouais, même rock, on peut mettre, on peut mettre un gros rock dessus. Rock à tendance énergique. Ouais, assez énergique, ouais. Et donc là, il est officier à la batterie. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Et qui s'est fait un peu connaître aussi par le grand public. Excellent batteur, hein. Voilà, donc j'allais y venir. Donc pardon, je suis. Ah là là, je suis impatient. Tu m'as coupé. Parce que j'ai entendu parler de ce mec-là, et enfin, de ce qu'il a fait de Rudiger. En effet. Donc il a tourné avec pas mal de groupes. Il a donc, comme il était très très bon à la batterie, et donc tout le monde s'est aperçu que c'était quand même un mec assez bon à la batterie. Il a enregistré avec par exemple Agustin Alcat, Yosheba Yasuki, Yosheba Belle Noir, Petit Fantôme, Botti Ball. Voilà, c'est un peu tous les groupes avec lesquels il a tourné et a enregistré des albums. Et là, en décembre 2020, donc décembre dernier, il nous sort un petit ovni, il nous sort de sa petite cachette et il nous sort un album en solo. Donc tout le monde est là, waouh, c'est quoi ce truc ? Parce que donc Félix Buff est batteur, donc on l'a toujours connu un peu derrière de la scène, voilà, à faire sa batterie, à faire ça très très très bien. Et là, il nous vient avec un album solo où il chante, il joue de la batterie, il joue de la musique, il fait du synthé. D'accord, il fait à peu près tout. Donc tout. C'est quoi, guitare, basse, batterie, synthé, chant ? Chant, et il y a un peu des arrangements aussi, clavier, il y a du violon aussi. Bon, il joue pas tous les instruments, mais il en joue pas mal, ouais. Donc peut-être qu'on va écouter un extrait pour voir un peu ce que ça donne. On va écouter la chanson Medication, pardon, qui est le titre phare qu'il a sorti de son album qui s'appelle Before It's Vanished, qui veut dire avant que tout ne disparaisse. Donc il y a un peu une ode un peu à la avant que le monde disparaisse, etc. La nature reprenne. Voilà. Le nom de la chanson ? La chanson s'appelle Medication. On laisse en fond un peu comme ça. C'est sympa. On peut la laisser en fond. En anglais donc. En anglais en effet. Donc j'ai écouté l'interview qui disait que donc il avait choisi la langue anglaise parce que en basque il maîtrisait pas trop le basque. Ouais. Français. Ulysse de Romande est en basque. Ouais. Voilà. Ulysse de Romande est en basque. La plupart des groupes avec lesquels il a joué c'est en basque. Petit Fantôme c'est un groupe français. Si ouais. Pas de bêtises. Et Botti Ball aussi c'est un groupe français qui chante en anglais aussi. Botti Ball. D'accord. Donc il faut savoir que Félix Buff vit à Bella, donc frontière, voilà, Pays Basque, voilà on va dire. Et il disait qu'il se sentait pas non plus espagnol, qu'il se sentait pas enchanté en espagnol, alors qu'il parle couramment l'espagnol, et qu'il avait beaucoup de références anglaises, qu'il écoutait beaucoup les Beatles, etc. quand il était jeune, donc il se rapprochait plus de cette langue anglaise. Et que ça collait bien à la musique, et en effet, la langue anglaise, ça colle bien quand même à la. Ah ben, on nous habitue à ce que ça colle à tout, finalement. Ouais. Exactement, ouais. C'est tout pour Rudiger. Rudiger, donc, qui a sorti son album donc, en décembre 2020 sous le label Ucho Pop. On sent quand même que le confinement est passé par là chez les musiciens, hein. En effet. On n'est pas sûr qu'il aurait sorti. C'est ce qu'il dit aussi. C'est qu'il sortait d'une grosse tournée de 10-15 ans, je crois, avec Willis et ses plusieurs groupes. Ouais. Et que là, en fait, il s'est posé et il s'est dit j'ai quelques titres sous le coude et ce serait bien de les enregistrer. Donc il a eu ce temps-là. Donc on lui a offert un peu ce temps pour enregistrer ses albums et ses titres et sortir cet album. Voilà, donc c'est un album de 8 titres. Donc je rappelle le nom de l'album qui s'appelle Before It's Vanished. Et c'est son frère, donc Johannes, donc, qui a fait l'enregistrement, d'accord, le mixage et tout ça, qui a une boîte de production. Donc voilà, ça aide aussi un peu à sortir son album. Du coup, il a sorti ça, donc tu faisais 8 titres. Ouais. Où est-ce que ça se trouve, sur Internet ou... Il est téléchargeable sur Bandcamp. Ouais. Après, il est en physique, je sais qu'il est en physique, en CD physique, je sais, à Elkar à Bayonne, et un peu dans les réseaux Elkar. Mais il est disponible aussi sur YouTube. D'accord. Le connaissant ce milieu-là au shop-up, il doit y avoir un vinyle qui est sorti par là, non? Non, il n'a pas encore sorti de vinyle, ouais. Moi aussi, je croyais que ça se prête bien au vinyle, mais il n'a pas encore sorti de vinyle. Mais on peut le retrouver en CD, en digital, voilà, sur les plateformes. Du coup, son projet, parce que là, il fait tout seul, son projet, c'est quoi? C'est quand même de partir faire des concerts, de monter alors, un groupe? Alors, pour l'instant, là, il s'est adapté un peu à la situation actuelle. Donc là, il a donné, je crois, 2 ou 3 concerts avec son pote guitariste Yosheba Hirasaki. Donc, à deux seulement, ouais, un peu intimiste. Et il avait pour projet, pour la fin d'année, bon, là, quand ça va se décanter un peu, de monter vraiment un groupe 4-5 personnes, 4-5 musiciens pour le donner en live. Ouais. Parce et que ça coup, mérite là, quand même. Il y a quand même pas mal d'instrus dans les chansons. Donc, Et du coup, là, deux, il jouait de quoi? Donc lui, il est plus synthé batterie, donc Félix Buff. Et Yosheba, il serait à la guitare. La guitare. Ouais. Donc et là, ils ont quelques concerts d'ailleurs en Ego Aldé. Parce qu'en Ego Aldé, ils ont un truc super, c'est qu'ils donnent des concerts, c'est que les artistes peuvent s'exprimer sur scène, alors à jauge réduite, mais ils peuvent s'exprimer sur scène, alors que en France, on va dire, en toute la France, on ne peut pas. Enfin, on ne peut pas avoir d'artistes encore. Ouais. Pas encore. Ouais, pas encore, donc on est en mars, c'est ça? On est en mars. Si je dis pas de bêtises, la ministre Bachelot a... dit que cet été c'était 5000 personnes en c'est plein ça. Air assis. Oui, ouais. Voilà, exactement. Exact. On dirait qu'il y a un paquet de festivals qui n'ont pas ouvert quand même. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On finit sur une chanson de Rüdiger. Ouais, allez. Qui s'appelle Free. Voilà, donc j'aimais bien cette idée de finir sur cette note un peu d'espoir. Free qui est liberté. Il est fort. Voilà. Il est fort. Surtout que la chanson est assez, vous allez voir, c'est très planant et c'est un peu une ode à l'espoir. À la liberté. Rüdiger sur son premier album, Free. Free. A miracle. It's a miracle we need. I still recall another kind of real. Let it come closer. Knock on the door. Imagine the feeling. Isn't it uneasy? Sucking the dry. Picture the feeling of running. Ouais, donc c'est assez planant quand même, beaucoup de synthé. Ouais. Exactement. Moi, je l'ai défini en tant que trip-hop folk. Voilà. Hop, tu vas très très loin là. Démerdez-vous avec ça. très loin là. Je trouve assez planant et assez folk, donc je me dis. Ouais. Tu vas un peu loin quand même. On va s'arrêter là. Ça fait pas loin d'une heure qu'on est ensemble. Donc je vous remercie. Donc côté Maya. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à toi, David aussi. David Anders. Merci Mathilde. Merci Maya. Et j'espère vous réécouter ici dans Non Essentiel une prochaine fois parmi les quelques invités qui commencent à s'amasser. Ça fait plaisir. On est là. Grand plaisir. Et moi, vous, auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.